Chateaubriand, itinéraire de Paris à Jérusalem, troisième partie, édition Furne et compagnie, 1865. Chypre, le Mont Carmel, Jaffa. Le 26 fut un jour malheureux. Le calme nous arrêta sous le continent de l'Asie, presque en face du Cap Calédonia, qui forme la pointe du golfe de Satali. Je voyais à notre gauche les pics élevés du Cragus, et je me rappelais les vers des poètes sur la froide Lycie. Je ne savais pas que je me dirais un jour les sommets de ce Taurus que je me plaisais à regarder, et que j'aimais à compter parmi les montagnes célèbres dont j'avais aperçu la cime. Les courants étaient violents et nous portaient en dehors, comme nous le reconnûmes le jour d'après. Le vaisseau, qui était sur son lest, fatiguait beaucoup au roulis. Nous cassâmes la tête du grand mât et la vergue de la seconde voile du mât de misaine. Pour des marins aussi peu expérimentés, c'était un très grand malheur. C'est véritablement une chose surprenante que de voir naviguer des Grecs. Le pilote est assis, les jambes croisées, la pipe à la bouche. Il tient la barre du gouvernail, laquelle, pour être de niveau avec la main qui la dirige, rase le plancher de la poupe. Devant ce pilote à demi couché, et qui n'a par conséquent aucune force, est une boussole qu'il ne connaît point et qu'il ne regarde pas. À la moindre apparence de danger, on déploie sur le pont des cartes françaises ou italiennes. Tout l'équipage se couche à plat ventre, le capitaine à la tête. On examine la carte, on en suit les dessins avec le doigt. On tâche de reconnaître l'endroit où l'on est, chacun donne son avis. On finit par ne rien entendre à tout ce grimoire des Francs. On reploie la carte, on amène les voiles, où l'on fait vent arrière. Alors on reprend la pipe et le chapelet. On se recommande à la Providence, et l'on attend l'événement. Il y a tel bâtiment qui parcourt ainsi 200 ou 300 lieues hors de sa route, et qui aborde en Afrique au lieu d'arriver en Syrie. Mais tout cela n'empêche pas l'équipage de danser au premier rayon du soleil. Les anciens Grecs n'étaient, sous plusieurs rapports, que des enfants aimables et crédules, qui passait de la tristesse à la joie avec une extrême immobilité, les Grecs modernes ont conservé une partie de ce caractère. Heureux du moins de trouver dans leur légèreté une ressource contre leur misère. Le vent du nord reprit son cours vers les 8 heures du soir, et l'espoir de toucher bientôt au terme du voyage ranima la gaieté des pèlerins. Notre pilote allemand nous annonça qu'au lever du jour nous apercevrions le Cap Saint-Tiphaine, dans l'île de Chypre. On ne songea plus qu'à jouir de la vie. Tous les soupers furent apportés sur le pont. On était divisé par groupes, chacun envoyait à son voisin la chose qui manquait à ce voisin. J'avais adopté la famille qui logeait devant moi, à la porte de la chambre du capitaine. Elle était composée d'une femme, de 2 enfants et d'un vieillard, père de la jeune pèlerine. Ce vieillard accomplissait pour la 3e fois le voyage de Jérusalem. Il n'avait jamais vu de pèlerin latin, et ce bonhomme pleurait de joie en me regardant. Je soupais donc avec cette famille. Je n'ai guère vu de scène plus agréable et plus pittoresque. Le vent était frais. La mer belle, la nuit sereine. La lune avait l'air de se balancer entre les mâts et les cordages du vaisseau. Tantôt elle paraissait hors des voiles, et tout le navire était éclairé. Tantôt elle se cachait sous les voiles, et les groupes des pèlerins rentraient dans l'ombre. Qui n'aurait béni la religion en songeant que ces 200 hommes, si heureux dans ce moment, étaient pourtant des esclaves courbés sous un jour Dieu. Ils allaient au tombeau de Jésus-Christ oublier la gloire passée de leur patrie, et se consoler de leurs maux présents. Et que de douleurs secrètes ne déposerait-il pas bientôt à la crèche du Sauveur? Chaque flot qui poussait le vaisseau vers le saint rivage emportait une de nos peines. Le 27 au matin, à la grande surprise du pilote, nous nous trouvâmes en pleine mer, et nous n'apercevions aucune terre. Le calme survint, la consternation était générale. Où étions-nous? Étions-nous en dehors ou en dedans de l'île de Chypre? On passa toute la journée dans cette singulière contestation. Parler de faire le point ou de prendre hauteur eût été de l'hébreu pour nos marins. Quand la brise se leva vers le soir, ce fut un autre embarras. Quel air de vent devions-nous tenir? Le pilote, qui se croyait entre la côte septentrionale de l'île de Chypre et le golfe de Satali, voulait mettre le cap au midi pour reconnaître la première, mais il fut résulté de là que, si nous avions dépassé l'île, nous serions allés, par 7 points du compas, droit en Égypte. Le capitaine prétendait qu'il fallait porter au nord, afin de retrouver la côte de la Caramanie. C'était retourner sur nos pas, d'ailleurs le vent était contraire pour cette route. On me demandait à mon avis, car, dans les cas un peu difficiles, les Grecs et les Turcs ont toujours recours aux Francs. Je conseillais de cingler à l'est, par une raison évidente. Nous étions en dedans ou en dehors de l'île de Chypre. Or, dans ces deux cas, en courant au levant, nous faisions bonne route. De plus, si nous étions en dedans de l'île, nous ne pouvions manquer de voir la terre à droite ou à gauche en très peu de temps, soit au Cap Anémur en Caramanie, ou au Cap Kornachiti en Chypre. Nous en serions quittes pour doubler la pointe orientale de cette île, et pour descendre ensuite le long de la côte de Syrie. Cet avis parut le meilleur, et nous mîmes la proue à l'est. Le 28, à 5 heures du matin, à notre grande joie, nous eûmes connaissance du cap de Gat, dans l'île de Chypre. Il nous restait au nord, à environ 8 ou 10 lieues. Ainsi, nous nous trouvions en dehors de l'île, et nous étions dans la vraie direction de Jaffa. Les courants nous avaient portés au large, vers le sud-ouest. Le vent tomba à midi. Le calme continua le reste de la journée et se prolongea jusqu'au 29. Nous reçûmes à bord 3 nouveaux passagers, 2 bergeronnettes et 1 hirondelle. Je ne sais ce qui avait pu engager les premières à quitter les troupeaux. Quant à la dernière, elle allait peut-être en Syrie, et elle venait peut-être de France. J'étais bien tenté de lui demander des nouvelles de ce toit paternel que j'avais quitté depuis si longtemps. Note. Voyez les martyrs, livre 11. Je me rappelle que dans mon enfance je passais des heures entières à voir, avec je ne sais quel plaisir triste, voltiger les hirondelles en automne. Un secret instinct me disait que je serais voyageur comme ces oiseaux. Ils se réunissaient, à la fin du mois de septembre, dans les joncs d'un grand étang. Là, poussant des cris et exécutant 1000 évolutions sur les eaux, ils semblaient essayer leurs ailes et se préparer à de longs pèlerinages. Pourquoi, de tous les souvenirs de l'existence, préférons-nous ceux qui remontent vers notre berceau? Les jouissances de l'amour propre, les illusions de la jeunesse ne se présentent point avec charme à la mémoire. Nous y trouvons au contraire de l'aridité ou de l'amertume. Mais les plus petites circonstances réveillent au fond du cœur les émotions du premier âge, et toujours avec un attrait nouveau. Au bord des lacs de l'Amérique, dans un désert inconnu qui ne raconte rien aux voyageurs, dans une terre qui n'a pour elle que la grandeur de sa solitude, une hirondelle suffisait pour me retracer les scènes des premiers jours de ma vie, comme elle me les a rappelées sur la mer de Syrie, à la vue d'une terre antique, retentissante de la voix des siècles et des traditions de l'histoire. Les courants nous ramenaient maintenant sur l'île de Chypre. Nous découvrîmes ses côtes sablonneuses, basses, et en apparence arides. La mythologie avait placé dans ces lieux ses fables les plus riantes. Note. Voyez les martyrs, livre 17. Il vaut mieux, pour l'île de Chypre, s'en tenir à la poésie qu'à l'histoire, à moins qu'on ne prenne plaisir à se rappeler une des plus criantes injustices des Romains et une expédition honteuse de Caton. Mais c'est une singulière chose à se représenter que les temples d'Amathonte et d'Idalie convertis en donjons dans le Moyen Âge. Un gentilhomme français était roi de Paphos, et des barons couverts de leur hoqueton étaient cantonnés dans les sanctuaires de Cupidon et des Grâces. On peut voir dans l'archipel de Dapper toute l'histoire de Chypre. L'abbé Mariti a fait connaître les révolutions modernes et l'état actuel de cette île, encore importante aujourd'hui par sa position. Le temps était si beau et l'air si doux, que tous les passagers restaient la nuit sur le pont. J'avais disputé un petit coin du gaillard d'arrière à de gros caloyers qui ne me l'avaient cédé qu'en grommelant. C'était là que je dormais le 30 septembre. À 6 heures du matin, lorsque je fus éveillé par un bruit confus de voix, j'ouvris les yeux et j'aperçus les pèlerins qui regardaient vers la proue du vaisseau. Je demandai ce que c'était, on me cria, « Signor, il Carmelo, le Carmel !» Le vent s'était levé la veille à 8 heures du soir, et dans la nuit nous étions arrivés à la vue des côtes de Syrie. Comme j'étais couché tout habillé, je fus bientôt debout, m'enquérant de la montagne sacrée. Chacun s'empressait de me la montrer de la main, mais je n'apercevais rien, à cause du soleil qui commençait à se lever en face de nous. Ce moment avait quelque chose de religieux et d'auguste, tous les pèlerins, le chapelet à la main, étaient restés en silence dans la même attitude, attendant l'apparition de la Terre Sainte, le chef des papes priait à haute voix. On n'entendait que cette prière et le bruit de la course du vaisseau que le vent le plus favorable poussait sur une mer brillante. De temps en temps un cri s'élevait de la proue quand on revoyait le Carmel. J'aperçus enfin moi-même cette montagne comme une tache ronde au-dessous des rayons du soleil. Je me mis alors à genoux à la manière des Latins. Je ne sentis point cette espèce de trouble que j'éprouvais en découvrant les côtes de la Grèce, mais la vue du berceau des Israélites et de la patrie des chrétiens me remplit de crainte et de respect. J'allais descendre sur la terre des prodiges, aux sources de la plus étonnante poésie, au lieu où, même humainement parlant, c'est passé le plus grand événement qui ait jamais changé la face du monde, je veux dire la venue du Messie. J'allais aborder à ses rives, que, visitèrent comme moi Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, Tancrède le Brave, Hugues le Grand, Richard Cœur de Lyon, et ce Saint-Louis dont les vertus furent admirées des infidèles. Obscur pèlerin, comment oserais-je fouler un sol consacré par tant de pèlerins illustres? À mesure que nous avancions et que le soleil montait dans le ciel, les terres se découvraient devant nous. La dernière pointe que nous apercevions au loin, à notre gauche vers le nord, était la pointe de Tyr. Venait ensuite le Cap Blanc, Saint-Jean d'Acre, le Mont Carmel, avec Caïphe à ses pieds, Tartoura, autrefois Dora, le château pèlerin, et Césarée, dont on voit les ruines. Jaffa devait être sous la proue même du vaisseau, mais on ne le distinguait point encore. Ensuite la côte s'abaissait insensiblement jusqu'à un dernier cap au midi, où elle semblait s'évanouir. Là commencent les rivages de l'ancienne Palestine, qui vont rejoindre ceux de l'Égypte, et qui sont presque au niveau de la mer. La terre, dont nous pouvions être à 8 ou 10 lieues, paraissait généralement blanche avec des ondulations noires, produites par des ombres. Rien ne formait saillie dans la ligne oblique qu'elle traçait du nord au midi. Le mont Carmel même ne se détachait point sur le plan. Tout était uniforme et mal teint. L'effet général était à peu près celui des montagnes du Bourbonnais, quand on les regarde des hauteurs de Tarare. Une file de nuages blancs et dentelés suivait à l'horizon la direction des terres, et semblait en répéter l'aspect dans le ciel. Le vent nous manqua à midi. Il se leva de nouveau à 4 heures. Mais, par l'ignorance du pilote, nous dépassâmes le but. Nous voguions à pleine voile sur Gaza, lorsque des pèlerins reconnurent, à l'inspection de la côte, la méprise de notre Allemand. Il fallut virer de bord. Tout cela fit perdre du temps, et la nuit survint. Nous approchions cependant de Jaffa, on voyait même les feux de la ville, lorsque, le vent du nord-ouest venant à souffler avec une nouvelle force, la peur s'empara du capitaine. Il n'osa chercher la rade de nuit. Tout à coup il tourna la proue au large et regagna la haute mer. J'étais appuyé sur la poupe, et je regardais avec un vrai chagrin s'éloigner la terre. Au bout d'une demi-heure j'aperçus comme la réverbération lointaine d'un incendie sur la cime d'une chaîne de montagnes. Ces montagnes étaient celles de la Judée. La lune, qui produisait l'effet dont j'étais frappé, montra bientôt son disque large et rougissant au-dessus de Jérusalem. Une main secourable semblait élever ce phare au sommet de Sion pour nous guider à la cité sainte. Malheureusement nous ne suivîmes pas comme les mages l'astre salutaire, et sa clarté ne nous servit qu'à fuir le port que nous avions tant désiré. Le lendemain, mercredi 1er octobre, au point du jour, nous nous trouvâmes affalés à la côte, presque en face de Césarée. Il nous fallut remonter au midi le long de la terre. Heureusement le vent était bon, quoique faible. Dans le lointain s'élevait l'amphithéâtre des montagnes de la Judée. Du pied de ces montagnes une vaste plaine descendait jusqu'à la mer. On y voyait à peine quelques traces de culture, et pour toute habitation un château gothique en ruine, surmonté d'un minaret roulant et abandonné. Au bord de la mer, la terre se terminait par des falaises jaunes ondées de noir, qui surplombaient une grève où nous voyions et où nous entendions se briser les flots. L'Arabe, errant sur cette côte, suit d'un œil avide le vaisseau qui passe à l'horizon. Il attend la dépouille du naufragé au même bord où Jésus-Christ ordonnait de nourrir ceux qui ont faim, et de vêtir ceux qui sont nus. À 2 heures de l'après-midi nous revîmes enfin Jaffa. On nous avait aperçus de la ville. Un bateau se détacha du port, et s'avança au-devant de nous. Je profitai de ce bateau pour envoyer Jean à terre. Je lui remis la lettre de recommandation que les commissaires de Terre Sainte m'avaient donnée à Constantinople, et qui était adressée au père de Jaffa. J'écrivis en même temps un mot à ses pères. 1 heure après le départ de Jean, nous vîmes jeter l'ancre devant Jaffa, la ville nous restant au sud-est, et le minaret de la mosquée à l'est car sud-est. Je marque ici les rhumes du compas par une raison assez importante. Les vaisseaux latins mouillent ordinairement plus au large, ils sont alors sur un banc de rochers qui peut couper les câbles, tandis que les bâtiments grecs, en se rapprochant de la terre, se trouvent sur un fond moins dangereux, entre la darse de Jaffa et le banc de rochers. Jaffa ne présente qu'un méchant amas de maisons rassemblées en rond, et disposées en amphithéâtre sur la pente d'une côte élevée. Les malheurs que cette ville a si souvent éprouvés y ont multiplié les ruines. Un mur qui par ses deux points vient aboutir à la mer l'enveloppe du côté de terre, et la met à l'abri d'un coup de main. Des calques s'avancèrent bientôt de toutes parts pour chercher les pèlerins, le vêtement, les traits, le teint, l'air de visage, la langue des patrons de ces caïques m'annoncèrent sur le champ la race arabe et la frontière du désert. Le débarquement des passagers s'exécuta sans tumulte, quoique avec un empressement très légitime. Cette foule de vieillards, d'hommes, de femmes et d'enfants ne fit point entendre, en mettant le pied sur la terre sainte, ses cris, ses pleurs, ses lamentations dont on s'est plu à faire des peintures imaginaires et ridicules. On était fort calme, et de tous les pèlerins, j'étais certainement le plus ému. Je vis enfin venir un bateau dans lequel je distinguai mon domestique grec accompagné de trois religieux. Ceux-ci me reconnurent à mon habit franc, et me firent des salutations de la main, de l'air le plus affectueux. Ils arrivèrent bientôt à bord. Quoique ses pères fussent espagnols et qu'ils parlassent un italien difficile à entendre, nous nous serrâmes la main comme de véritables compatriotes. Je descendis avec eux dans la chaloupe, nous entrâmes dans le port par une ouverture pratiquée entre des rochers, et dangereuse même pour un caïque. Les Arabes du rivage s'avancèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture, afin de nous charger sur leurs épaules. Il se passa là une scène assez plaisante. Mon domestique était vêtu d'une redingote blanchâtre. Le blanc étant la couleur de distinction chez les Arabes, ils jugèrent que mon domestique était le cheikh. Ils se saisirent de lui, et l'emportèrent en triomphe malgré ses protestations, tandis que, grâce à mon habit bleu, je me sauvais obscurément sur le dos d'un mendiant déguenillé. Nous nous rendîmes à l'hospice des pères, simple maison de bois bâtie sur le port, et jouissant d'une belle vue de la mer. Mes hôtes me conduisirent d'abord à la chapelle, que je trouvai illuminée, et où ils remercièrent Dieu de leur avoir envoyé un frère, touchantes institutions chrétiennes, par qui le voyageur trouve des amis et des secours dans les pays les plus barbares, institutions dont j'ai parlé ailleurs, et qui ne seront jamais assez admirées. Les trois religieux qui étaient venus me chercher à bord se nommaient Gentruilos Pena, Alexandre Roma, et Martin Alexano, ils composaient alors tout l'hospice, le curé, Don Juan de la Conception, étant absent. En sortant de la chapelle, les pères m'installèrent dans ma cellule, où il y avait une table, un lit, de l'encre, du papier, de l'eau fraîche et du linge blanc. Il faut descendre d'un bâtiment grec chargé de 200 pèlerins pour sentir le prix de tout cela. À 8 heures du soir, nous passâmes au réfectoire. Nous y trouvâmes deux autres pères venus de Rama, et partant pour Constantinople, le père Manuel Sancia et le père François Munoz. On dit en commun le bénédicité, précédé du De Profondis, souvenir de la mort que le christianisme mêle à tous les actes de la vie pour les rendre plus graves, comme les anciens le mêlaient à leurs banquets pour rendre leur plaisir plus piquant. On me servit, sur une petite table propre et isolée, de la volaille, du poisson, d'excellents fruits, tels que des grenades, des pastèques, des raisins, et des dattes dans leur primeur. J'avais à discrétion le vin de Chypre et le café du Levant. Tandis que j'étais comblé de biens, les pères mangeaient un peu de poisson sans sel et sans huile. Ils étaient gais avec modestie, familiers avec politesse, point de questions inutiles, point de vaines curiosités. Tous les propos roulaient sur mon voyage, sur les mesures à prendre pour me le faire achever en sûreté. Car, me disait-il, nous répondons maintenant de vous à votre patrie. Ils avaient déjà dépêché un express au chef des Arabes de la montagne de Judée, et un autre au père procureur de Rama. Nous vous recevons, me disait le père François Munoz, avec un cœur limpido et bianco. Il était inutile que ce religieux espagnol m'assurât de la sincérité de ses sentiments, je les aurais facilement devinés à la pieuse franchise de son front et de ses regards. Cette réception si chrétienne et si charitable dans une terre où le christianisme et la charité ont pris naissance, cette hospitalité apostolique dans un lieu où le premier des apôtres prêcha l'évangile, me touchait jusqu'au cœur. Je me rappelais que d'autres missionnaires m'avaient reçu avec la même cordialité dans les déserts de l'Amérique. Les religieux de Terre Sainte ont d'autant plus de mérite, qu'en prodiguant aux pèlerins de Jérusalem la charité de Jésus-Christ, ils ont gardé pour eux la croix qui fut plantée sur ces mêmes bords. Ce père au cœur limpido et bianco m'assurait encore qu'il trouvait la vie qu'il menait depuis 50 ans un vero paradiso. Veut-on savoir ce que c'est que ce paradis? Tous les jours une avanie, la menace des coups de bâton, des fers et de la mort. Ces religieux, à la dernière fête de Pâques, ayant lavé des linges de l'autel, l'eau, imprégnée d'amidon, coula en dehors de l'hospice, et blanchit une pierre. Un Turc passe, voit cette pierre, et va déclarer au cadi que les pères ont réparé leur maison. Le cadi se transporte sur les lieux, décide que la pierre, qui était noire, est devenue blanche, et, sans écouter les religieux, il les oblige à payer 10 bourses. La veille même de mon arrivée à Jaffa, le père procureur de l'hospice avait été menacé de la corde par un domestique de l'aga en présence de l'aga même. Celui-ci se contenta de rouler paisiblement sa moustache, sans daigner dire un mot favorable au chien. Voilà le véritable paradis de ces moines, qui, selon quelques voyageurs, sont de petits souverains en Terre Sainte, et jouissent des plus grands honneurs. À 10 heures du soir, mes hôtes me reconduisirent par un long corridor à ma cellule. Les flots se brisaient avec fracas contre les rochers du port. La fenêtre fermée, on eût dit d'une tempête. La fenêtre ouverte, on voyait un beau ciel, une lune paisible, une mer calme, et le vaisseau des pèlerins mouillé au large. Les pères sourirent de la surprise que me causa ce contraste. Je passai une partie de la nuit à contempler cette mer de Tyr, que l'écriture appelle la grande mer, et qui porta les flottes du roi prophète quand elles allaient chercher les cèdres du Liban et la pourpre de Sidon. Cette mer où Léviathan laisse des traces comme des abîmes, cette mer à qui le Seigneur donna des barrières et des portes, cette mer qui vit Dieu et qui s'enfuit. Citation de Job et Psaume 113. Ce n'était là ni l'océan sauvage du Canada, ni les flots orients de la Grèce. Au midi s'étendait l'Égypte où le Seigneur était entré sur un nuage léger, pour sécher les canaux du Nil et renverser les idoles. Au nord s'élevait la reine des cités dont les marchands étaient des princes. Hurlez, vaisseau de la mer, parce que votre force est détruite. La ville des vanités est abattue. Toutes les maisons en sont fermées, et personne n'y entre plus. Ce qui restera d'hommes en ces lieux sera comme quelques olives demeurées sur l'arbre après la récolte, comme quelques raisins suspendus au cépa après la vendange. Voilà d'autres antiquités expliquées par un autre poète, Isaïe succède à Homère. Et ce n'était pas tout encore, car la mer que je contemplais baignait, à ma droite, les campagnes de la Galilée, et, à ma gauche, la plaine d'Ascalon. Dans les premières je retrouvais les traditions de la vie patriarcale et de la nativité du Sauveur, Dans la seconde, je rencontrai les souvenirs des croisades et les ombres des héros de la Jérusalem. Quel grand et admirable spectacle! De voir les deux camps s'avancer front contre front, les bataillons se déployaient en ordre, impatients de marcher, impatients de combattre. Les bannières ondoyantes flottent dans les airs, et le vent agite les panaches sur les hauts cimiers. Les habits, les franges, les devises, les couleurs, les armes d'or et de fer resplendissent au feu du soleil. J.B. Rousseau nous peint ensuite le succès de cette journée. La Palestine enfin, après tant de ravages, vit fuir ses ennemis, comme on voit les nuages, dans le vague désert fuir devant l'Aquilon. Et du vent du midi la dévorante haleine, n'a consumé qu'à peine, leurs ossements blanchis dans les champs d'Ascalon. Ce fut à regret que je m'arrachai au spectacle de cette mer qui réveille tant de souvenirs, mais il fallut céder au sommeil. Le père Wayne de la Conception, curé de Jaffa et président de l'hospice, arriva le lendemain matin, 2 octobre. Je voulais parcourir la ville et rendre visite à l'aga, qui m'avait envoyé complimenter. Le président me détourna de ce dessein. « Vous ne connaissez pas ces gens-ci, me dit-il. Ce que vous prenez pour une politesse est un espionnage. On n'est venu vous saluer que pour savoir qui vous êtes, si vous êtes riche, si on peut vous dépouiller. Voulez-vous voir l'aga? Il faudra d'abord lui porter des présents. Il ne manquera pas de vous donner malgré vous une escorte pour Jérusalem. L'aga de Rama augmentera cette escorte. Les Arabes, persuadés qu'un riche franc va en pèlerinage au Saint-Sépulcre, augmenteront les droits de Kafar ou vous attaqueront. À la porte de Jérusalem, vous trouverez le camp du Pacha de Damas, qui est venu lever les contributions, avant de conduire la caravane à la Mecque. Votre appareil donnera de l'ombrage à ce pacha, et vous exposera à des avanies. Arrivé à Jérusalem, on vous demandera 3 ou 4 000 piastres pour l'escorte. Le peuple, instruit de votre arrivée, vous assiégera de telle manière, qu'eussiez-vous des millions, vous ne satisferiez pas son avidité. Les rues seront obstruées sur votre passage, et vous ne pourrez entrer au Saint-Lieu, sans courir les risques d'être déchiré. Croyez-moi, demain nous nous déguiserons en pèlerins, et nous irons ensemble à Rama. Là, je recevrai la réponse de mes express. Si elle est favorable, vous partirez dans la nuit, vous arriverez sain et sauf, à peu de frais, à Jérusalem. Le père appuya son raisonnement de 1000 exemples, et en particulier de celui d'un évêque polonais, à qui un trop grand air de richesse pensa coûter la vie, il y a 2 ans. Je ne rapporte ceci que pour montrer à quel degré la corruption, l'amour de l'or, l'anarchie et la barbarie sont poussées dans ce pays. Je m'abandonnais donc à l'expérience de mes hôtes, et je me renfermais dans l'hospice, où je passais une agréable journée dans des entretiens paisibles. J'y reçus la visite de M. Contessini, qui aspirait au vice-consulat de Jaffa, et de messieurs Damien père et fils, français d'origine, jadis établis auprès de Djezar, à Saint-Jean d'Acre. Ils me racontèrent des choses curieuses sur les derniers événements de la Syrie. Ils me parlèrent de la renommée que l'empereur et nos armes ont laissée au désert. Les hommes sont encore plus sensibles à la réputation de leur pays hors de leur pays, que sous le toit paternel. Et l'on a vu les émigrés français réclamer leur part des victoires qui semblaient les condamner à un exil éternel. Note. Jacques II, qui perdait un royaume, exprima le même sentiment au combat de la Hogue. Je passai 5 jours à Jaffa à mon retour de Jérusalem, et je l'examinai dans le plus grand détail. Je ne devrais donc en parler qu'à cette époque, mais, pour suivre l'ordre de ma marche, je placerai ici mes observations. D'ailleurs, après la description des saints lieux, il est probable que les lecteurs ne prendraient pas un grand intérêt à celle de Jaffa. Jaffa s'appelait autrefois Joppé, ce qui signifie belle ou agréable, dit Adricomius. Danville dérive le nom actuel de Jaffa d'une forme primitive de Joppé, qui est Jaffo. Note. Je sais qu'on prononce en Syrie Jaffa, et Monsieur de Volnay l'écrit ainsi, mais je ne sais point l'arabe. Je n'ai d'ailleurs aucune autorité pour réformer l'orthographe de Danville et de tant d'autres savants écrivains. Je remarquerai qu'il y avait dans le pays des Hébreux une autre cité du nom de Jaffa, qui fut prise par les Romains. Ce nom a peut-être été transporté ensuite à Joppé. S'il faut en croire les interprètes et Pline lui-même, l'origine de cette ville remonterait à une haute antiquité, puisque Joppé aurait été bâti avant le déluge. On dit que ce fut à Joppé que Noé entra dans l'arche. Après la retraite des eaux, le patriarche donna en partage à Sem, son fils aîné, toutes les terres dépendant de la ville fondée par son troisième fils Japhet. Enfin Joppé, selon les traditions du pays, garde la sépulture du second père du genre humain. Selon Pocock, Chaud et peut-être Danville, Joppé tomba en partage à Éphraïm, et forma la partie occidentale de cette tribu, avec Ramlé et Lida. Mais d'autres auteurs, entre autres Adricomius, Roger, etc., placent Joppé sous la tribu de Dan. Les Grecs étendirent leur fable jusqu'à ses rivages. Ils disaient que Joppé tirait son nom d'une fille d'Éole. Ils plaçaient dans le voisinage de cette ville l'aventure de Persée et d'Andromède. Scorus, selon Pline, apporta de Joppé à Rome les os du monstre marin suscité par Neptune. Pausania prétend qu'on voyait près de Joppé une fontaine où Persée lava le sang dont le monstre l'avait couvert, d'où il arriva que l'eau de cette fontaine demeure atteinte d'une couleur rouge. Enfin Saint Jérôme raconte que de son temps on montrait encore à Joppé le rocher et l'anneau auquel Andromède fut attaché. Ce fut à Joppé qu'abordèrent les flottes d'Iram, chargées de cèdres pour le temple, et que s'embarqua le prophète Jonas lorsqu'il fuyait devant la face du Seigneur. Joppé tomba 5 fois entre les mains des Égyptiens, des Assyriens et des différents peuples qui firent la guerre aux Juifs avant l'arrivée des Romains en Asie. Elle devint une des 11 toparchies où l'idole Ascalon était adorée. Judas Maccabée brûla cette ville, dont les habitants avaient massacré 200 Juifs. Saint Pierre y ressuscita Tabithe, et y reçut chez Simon le corroyeur les hommes venus de Césarée. Au commencement des troubles de la Judée, Joppé fut détruite par Cestius. Des pirates en ayant relevé les murs, Vespasien la saccagea de nouveau, et mit garnison dans la citadelle. On a vu que Joppé existait encore environ 2 siècles après, du temps de Saint Jérôme, qui la nomme Jaffo. Elle passa avec toute la Syrie sous le joug des Sarrasins. On la retrouve dans les historiens des croisades. L'anonyme qui commence la collection, Gesta Dei per Franco, raconte que, l'armée des croisés étant sous les murs de Jérusalem, Godefroy de Bouillon envoya Raymond Pilet, Achard de Memeloué et Guillaume de Sabran pour garder les vaisseaux génois et pisans arrivés au port de Jaffa. Benjamin de Tudèle en parle à peu près à cette époque sous le nom de Gaffa. Saladin se réfugia auprès de Mahomet Pacha Adem, alors élevé au Pachalik de Damas.